Le Far West, une araignée géante, un Q-jet à vapeur. Cette semaine, on a maté Wild Wild West et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Mickaël? Bon, après la blague du cul de jet à vapeur, ça plane pour moi. Aux côtés de Mickaël, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, je vais parfaitement bien. Parfaitement bien. Faut quand même dire aux auditeurs qu'on reçoit la chroniqueuse par chronopost, en fait. 5 minutes avant le début de l'émission, c'est jamais qui c'est. Des fois, c'est Julie, Barbie. Des fois, c'est Micheline. Et Greg, bonsoir, Greg. Bonsoir. Ça va, Greg? Ouais, je suis désolé, hein. Mais ce film était un chef-d'œuvre, j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. Ah, t'as passé un bon moment? T'as de quoi être désolé. Non, c'était bien, franchement. C'était l'enfer sur Terre, ce film. Je te trouve dur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Donc, Wild Wild West, de 1999, de 107 minutes, produit par la Warner, avec Will Smith, Kevin Klein, Kenneth Branagh, Salma Hayek, et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bien des hommes ont affronté l'Ouest et ses mystères. Mais un seul le fait avec panache. Un représentant de l'ordre qui sait porter le chapeau et un vraiment gros revolver. Toutes les femmes tombent à ses pieds. Il y a de l'ambiance dans le studio. Le son est parfait, hein. Ouais. Franchement, c'est déjà la qualité. Ouais. Hein, ouais, bon, je pardonne un peu, mais c'est la seule que j'ai. En fait, t'as repris la VHS, non? J'ai ripé une VHS, ouais. Wiki wiki waouh. En vrai, ceci dit, moi je la trouve cool, cette bande-annonce. Ah ouais, mais c'est ce qu'il y a de meilleur en film, hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle a ce que le film n'a pas, c'est-à-dire qu'elle dure 1 minute 30, quoi. Non, c'est bien. En tout cas, ça met le feu. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du film déjà, avant même de résumer l'histoire? C'est pas très complexe. Hein. Ah bah, moi, je l'avais vu probablement en VHS au moment de sa sortie. Mm. J'étais sûrement allé chez à la vidéothèque. Et c'est marrant parce que j'avais aucun souvenir de ce film. Mais vraiment aucun, quoi. C'est-à-dire que je l'ai revu presque pour la première fois. Là. Ouais. Et j'ai compris pourquoi j'avais aucun souvenir de ce film. Moi, je l'ai vu pour la première fois. Ouais, franchement. Mais t'as pas eu d'enfance, Greg, putain, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai été épargné de tout ça quand j'étais. Mais là, je l'ai vu, franchement, je trouvais que c'était pas mal, quoi. C'est bien, la trame est bien, les acteurs sont bien. Alors, Greg oublie de dire un truc, c'est que Greg mate les films en accéléré. Et en 7 fois, quand même. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il utilise le truc de VLC pour voir le film 2 fois plus vite. D'ailleurs, je vous le conseille. Tu vois, en 40 minutes. Une minute égale 40 secondes, apparemment. Ouais. J'ai calculé pour savoir combien de temps j'allais gagner parce que je savais qu'il allait. Mais tu fais vraiment ça? Non. Si. Bah, si, le fait. Et alors, pour répondre à ta question, moi, c'est un des films que je préférais à l'adolescence, parce que Barry Sonnenfeld était un de mes réals préférés pour La Famille Adams, pour Men in Black. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue de voir que j'avais vraiment des goûts de chiottes quand j'avais 15 ans. Quoi. Mais c'est pas vrai, il est bien. Non, il est horrible. Ah, bon, là, bon. Il est horrible. Mais ceci dit, Greg a eu une enfance parce qu'il a remis un sweatshirt qu'il n'avait pas mis depuis 25 ans, je pense. Hein. Genre du faux. Donc, qui résume l'histoire rapidement? Ouais, moi je veux bien le faire. C'est pas difficile, hein. Pour le coup, là, alors, c'est pas time-cop. Moi, je vais le résumer en accéléré ou. Alors, t'es histoire. Alors, on est dans le Far West, il y a Will Smith et un autre gars. Et il y a un méchant. Et il y a un méchant, il a construit plein de trucs super, super modernes pour l'époque. Hein. Ça, c'est incroyable. Il a rien de particulier, le méchant. Mais non, c'est un méchant. Bah, il fait peur, hein, quand même. Il a pas de jambes, surtout. Et il a pas de gens, mais il a la barbe la plus improbable de tout le cinéma, quoi. Et lui, ce qu'il veut, c'est choper des États. Il veut choper des États. Et du coup, bah, pour ça, il va essayer de buter le président, ou pas, ou de le faire plier. Et voilà. Ouais. C'est ça? C'est ça? J'ai bien vu le film, même à l'accéléré? On a vu le même film. Putain, c'est. Ouais. L'ouverture est dure. Hein. Alors déjà, non, attends, déjà le générique. Ah moi le générique je trouve très bien. Il est canonisé. Ah, le générique super est bien. Cool. Ouais. C'est le seul bon moment du film. La musique est hyper cool. Ouais, la musique est cool. Il y a un clin d'œil. Bon, vraiment très très loin au Mystère de l'Ouest avec les petites images. T'as même un clin d'œil au western en général. Je pense que c'était GTA. Non, c'est vrai. Enfin sur le générique. Un clin d'œil au cinéma dans le sens où c'est animé. Et donc le film commence. Alors ça va être le cas de pas mal de scènes dans ce film. C'est-à-dire que Will Smith ou quelqu'un d'autre est à poil avec une pute à gros seins. Il n'y a que ça. Ah non, il y a un autre truc avant. Il y a le mec qui se fait poursuivre par la. Et oui. Ah oui, il y a l'intro, la scène de la mort là. Le frisbee. Moi j'ai adoré cette scène parce que dès le début je me suis marré parce qu'en fait le mec il est en train de se faire poursuivre par un frisbee de la mort qui est tout seul. Il sait qu'il va se faire couper la tête et avant ça il va quand même dire oh il faut absolument que je prévienne le président. Il énumère tout son agenda. Il est sur le point de se faire couper la tête. Et il énumère tout son agenda. Pour l'auditeur, on ne sait pas, je ne pense pas. Hein. Mais bon. Donc j'allais chercher Billy à l'école demain. Mais je te jure, c'était trop ça. Donc voilà. Et après, ouais, voilà. Il y a Will Smith qui est avec la nana. Bah, qui prend un bain. Qui lui mange la bouche. Ouais. Vraiment. Ouais. Dans un château d'eau, hein. Oui, c'est ça. Ils sont dans une cuve en bois perchée à 70 mètres. Donc, dans de l'eau stagnante. C'est-à-dire que je pense que tu te mets 30 secondes là-dedans, t'as eu les mestés à vie, quoi. Et surtout, c'est pas du tout dégueulasse pour les gens qui vont boire cette eau, quoi. C'est un honneur de boire l'eau dans laquelle Will Smith s'est baigné, quoi. Entre guillemets. Mais d'ailleurs, juste une petite question là, je me suis posé la question, regardez. Mais il devient quoi, Will Smith? Il a fait plein de trucs. C'est vrai? Il a fait plein de trucs. Il a tourné avec son fils et là, il sort un film dans très peu de temps aussi avec Margot Robbie sur un braquage, je crois. Oui, absolument. Mais tu m'as cloué le bec, Julie. Il est plus aussi populaire qu'à l'époque de Man in Black. De Independence Day, ouais. Il fume du crack ou pas? Pourquoi? Non, je pense pas. On n'entend plus parler de lui. Ah, non. Tu sais, c'est comme Macaulay Culkin, tu sais pas. Et donc, du coup, alors pour une raison en plus complètement improbable, il y en a beaucoup des raisons improbables dans ce film, mais le château d'eau va s'effondrer. Ah oui, parce que la calèche rentre dans le, ouais, parce qu'il y a, le pied de bois. Il y a un bout de calèche qui tombe dans le machin du truc. C'est, voilà. Le truc s'effondre. Il n'y a que Will Smith qui arrive à poil, quoi. Et le truc, elle reste accrochée en haut. Personne n'est blessé, alors que clairement, tu te dis, bon, bah, t'es là-dedans, ça tombe, t'es pas bien, quoi. Non, mais globalement, il frôle la mort plusieurs fois dans ce film, il a beaucoup de chance, hein. Mais il est très, très chanceux au niveau des chutes, surtout. C'est vraiment un gros chat, quoi. Parce que, je dire un gros chatteux, mais ouais. c'est un gros chat. Le mec, il tombe d'un truc, il est peut-être à 20 mètres de hauteur, il tombe à poil. Il retrouve les cuirs, probablement deux pattes, avec quoi. Sa queue. Excellent. Il se barre à dos de cheval qui va à grand galop avec de la nitroglycérine, c'est ça, non? Ouais, ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Voilà, il fait pas le chat, mais il a quand même beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Ouais. Moi, je sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais j'avais écrit n'importe quoi. Mais bon, il y a plein de moments où j'ai écrit n'importe quoi. Ah, mais c'est toutes les lignes, en fait, n'importe quoi. Ensuite, après, on a l'introduction d'Artemus Gordon. Mm. Que Will Smith va appeler Artie pendant tout le film, parce qu'ils aiment des petits noms, ouais. Dans une espèce de saloon, bar, boîte, bordel. Alors, déjà, attends, drôle. Artemus, c'est le méchant? Non, j'ai vu le film à l'accéléré, désolé. T'as entendu Artemus? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite indication au moment où on arrive dans le saloon, et c'est marqué « Pendant ce temps, dans un autre quartier ». Des fois qu'on n'ait pas vu que ça se passe ailleurs. Mais il est où, Will Smith? Attention, cette scène se déroule ailleurs. À Veracruz. Pendant ce temps. Et donc. Artemus, c'est un peu le spécialiste des déguisements, des inventions. Et donc, on le découvre en femme, la première fois. En Bernard Campan. un peu, ouais. C'est ça, hein. Dire en Madame Doubtfire. Il est un peu à côté Gogo Gadget, quoi. Il y a toujours des trucs qui partent dans tous les sens. C'est ça, c'est limite. C'est entre l'inspecteur Gadget et le James Bond, quoi, tu vois. Eh ben moi je l'ai vu en VO et ben je l'ai trouvé drôle dans ce film, ce mec là. Je trouvais qu'il jouait bien. Ouais. Moi je trouve qu'il joue. Alors moi je l'ai vu en VF et il était nettement moins drôle. Hein, il a la voix de Woody dans Toy Story. Une fois que tu te dis ça, c'est foutu, il va pas tout le film. Et il y a la scène de l'hypnose. Oui. Ah oui, alors attends, déjà ce qui est quand même assez marrant, c'est... alors il y a un vieux général sourd donc qui a un soloton de 36 mètres de diamètre. C'est dit, je vais le greffer, ça sera moins chiant, sinon je vais le paumer sur le cheval et tout. Mais il lit tous les supports, hein, vinyle, DVD, il lit tout avec ça. Et tu te le fous dans l'oreille, surtout que normalement ça doit peut-être tendre dans l'autre sens, tu vois. Et en fait, donc Artemis qui est déguisé en femme, enfin en prostituée en fait. Artemis? Artemis. Ah ouais, c'est pas les chevaliers du zodiaque. Et il est déguisé en femme, et donc si tu veux, il passe devant toutes les prostituées, il doit en choisir une. Il passe devant Salma Hayek, quand même, qui lui fait de l'œil, mais il choisit quand même Bernard Campan. Ouais, non mais... Je pense que c'est pas à l'oreille qu'il a des problèmes, c'est aux yeux en fait. Hein. Donc, il arrive assez fin quand même. Ouais, donc du coup, il l'amène dans une chambre. Il va faire un tour d'hypnose au gars, et ce qui est marrant, c'est que l'hypnose, ça va rater parce qu'il dit, il commence par lui dire, tu es un chien. Donc le gars, il se transforme en chien, il dit waf waf, et après ça, il lui dit où se cache le machin, donc il lui demande l'information, et l'autre, il fait waf waf, il fait non, mais tu peux parler, en fait, il dit que t'étais un chien, c'était pour introduire l'hypnose, quoi. Et là, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, bon, des faux raccords, il y en a un milliard, mais celui-ci, genre, je pouvais pas le laisser passer, c'est que Will Smith, il arrive. Ouais. Par la fenêtre, en fait, si tu le vois, il est sur la façade, il a escaladé la façade, je sais pas comment il est là, et... Genre, il se penche à la fenêtre, le plan d'après, il passe à travers la fenêtre, le plan d'après, il met un coup de bois au gars, tu sais, genre, le mec, il tombe pas du tout par terre. Alors, en accéléré, ça faisait quoi, Greg? Ben, ça faisait pareil, mais en plus vite. Et moi, il y a un truc aussi qui est marrant, que tu repères déjà direct dans le saloon. Dans ce film, tout le monde est blanc, tout le monde est sale, avec des vieilles barbes et tout, sauf Will Smith, qui est beau gosse. D'ailleurs, ouais, mais en plus, il a mis ses petites lunettes de Lascar, c'est vrai. Ses petites lunettes en or un peu fumées. Je pense que c'est lui qui a lancé la mode dans les cités après ces lunettes-là. C'est toujours les lunettes de Lascar. C'est vrai qu'à Sarcelles, ils étaient tous en cow-boy avec un chapeau et des lunettes. Hein. Wiki-moi. Et après ça, donc, je sais plus comment, mais c'est pas c'est très pertinent, le bar explose. Avec la nitroglycérine. Ouais, mais le bar qui était d'ailleurs rempli de monde, au moment où il explose, il est vide. Parce qu'il y a un plan du bar où tu vas exploser, tu vois toutes les tables et il n'y a plus personne. C'était l'entracte. Ils avaient même rangé les cartes, les bouteilles de bière, tout est vide. Et donc après, la scène d'après, c'est la rencontre en fait. C'est Washington. C'est Washington, il y a la Maison Blanche avec des moutons devant, genre gratuit quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas pourquoi. Mais... D'ailleurs, Will Smith, il garde son cheval comme un salaud, hein. Il fout ça devant la porte. Moi j'ai trouvé ça inadmissible, ouais, ça aurait mérité vraiment une amende. Et donc il va rencontrer ce gars, donc alors qu'il y a un parking Artemis, juste à côté de la Maison Blanche. Encore ? Bah oui, encore. Mais déguisé. Déguisé en président. En président. C'est incroyable. En président. Oui. Bah, il croit que c'est le président au début, en fait, non. Et il est balèze, hein. Il est balèze, le Will Smith, parce qu'il le crame tout de suite. Hein. Il le crame. Et comment il le crame ? Mais qui êtes-vous ? Comment il le crame ? Mais en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois que tu vas me poser la question comment fait Will Smith, j'ai envie de te répondre, il sort son pistolet et il dégaine. Il dit je vais te tuer, quoi. Mais c'est un peu ça. Non, parce qu'il a remarqué. Il a remarqué qu'il était. Comment il fait ? Dis-nous ça, Antoine. Il tient son verre de whisky de la main gauche et ça a l'air d'être pas normal. Ah, ça, c'est dans la VO, ça, parce que dans la VF, c'est très différent. Il dit quoi ? En fait, il dit que le président vient de l'université de West Point et qu'il a marqué Harvard sur le verre. Ouais, il dit exactement. Ça aussi. Il dit ça aussi en anglais. Tu l'as regardé accéléré ou quoi ? Non, je l'ai regardé sans sous-titres, donc j'ai rien compris. Moi. Il dit pas qu'il a un peu plus de ventre aussi ? Non, ah, c'est pas. Plus tard peut-être. En fait, ce qui sous-entend quand même que le mec est arrivé avec son costume de président et ses propres verres à whisky. Il est pris en pique-nique peut-être, non ? Mais en fait, je vois pas comment le mec qui vient déguisé en président, il fait « Je vais ramener mon propre verre. » C'est ça. Genre, ça va, t'es dans son bureau, tu peux utiliser ses objets. Hein. Il y a un truc, c'est un détail intéressant. On va voir les deux seuls autres noirs du film. Ils passent le cirage par terre dans le bureau du président. Ouais. Ah, les deux seuls autres qu'on va voir dans le film, ce sont des esclaves. Sinon, il n'y a que Will Smith et la pute du début qui est avec lui. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que... Genre, on est quand même globalement à une époque où, à mon avis, il fait pas très bon vivre... Quand on est noir, non d'être noir. Et là, il est vraiment tranquille. Personne le fait vraiment chez quoi. C'est acté que, bon, lui, c'est quand même James West. Quoi. C'est clair. C'est Will Smith, surtout. En tout cas, on apprend vite que le président arrive et que ça met pas longtemps avant qu'il leur dise « Bon, bah les gars, vous allez faire équipe ensemble. » Ouais. On s'est jamais vu une équipe avec deux personnes avec un comportement différent. Et qui ne s'aiment pas et qui ne se comprennent pas. Ça pourrait faire d'autres bons scénarios parce que ça, c'est vraiment une bonne idée de prendre deux gars qui. Une sorte de mismatch. Voilà, un petit peu. Avec un noir, un blanc. Voilà. Et l'arme fatale, en fait. Il dit même cette phrase que je trouve géniale. Vous êtes mes deux meilleurs agents. Mettez vos différences de côté, je veux que vous travaillez ensemble. Ouais. Exceptionnel. Parce qu'en fait, au début, c'est quoi ? C'est déjà des agents secrets ou pas ? Ouais. Pourquoi à la fin il leur dit Marshall, vous allez être mes agents secrets ? Ah, parce qu'à la fin il crée les services secrets en fait. Ils étaient déjà au service secret. Non, ils étaient Marshall. Il faut savoir. Oui, mais... Moi, je te le dis vite. Bon, réglez ça entre vous, moi, je vais me faire une tisane. Il s'agit d'être pressé. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le méchant, il veut bien annoncer au président qu'il va prendre son pays. Au lieu de le dire dans une lettre, machin, il va lui envoyer un gâteau à la crème avec des tarentules dedans. Quoi. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'au moment où il regarde le gâteau, bah, évidemment, le gâteau, il est normal et appétissant. Ensuite, il se rapproche et là, t'as 8 araignées qui sortent du truc. Quoi. Donc ensuite, il y a l'introduction aussi d'un personnage très important dans ce film, qui est le train. Oui. Alors, déjà, je me souviens de ça. Artemus, moi, je trouve que c'est quand même un personnage digne de respect parce qu'il c'est quand même l'inventeur de la mob et du gilet pare-balles, quoi. Et de l'avion aussi. En fait, quand j'avais vu ce film, à cette époque-là, il y avait les Mystères de l'Ouest qui passaient. Enfin, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'était avant, mais moi, je les ai arrachés quand ils passaient sur M6. Et j'étais très, très, très, très, très fan de cette série. Et le train, c'est hyper important, tu vois, le train, les gadgets et tout. Et c'est pour moi, c'était hyper important qu'on voit ce train, qu'on voit ce qu'il y a dedans et tout. Et moi, je me souviens, petit, j'avais été déçu. Je comprends pas trop, parce qu'on le voit quand même pas mal, limite pas mal. Ouais, trop, on en le fait, voit. Moi, ce que je comprends pas bien, en fait, c'est qu'ils ont inventé le concept de taxi-train, tu vois. C'est-à-dire que à chaque fois, il dit à son chauffeur, tiens, emmène-moi là. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il prend des rails, c'est ses propres rails. Il est construit avant, je sais pas. En fait, c'est vrai qu'ils peuvent faire des stops à peu près partout dans les États-Unis, alors qu'il y a pas encore de chemin de fer. Il y a pas d'autres trains, tu sais, il y a pas d'autres trains sur les. Ça, je l'avais noté, ouais, à un moment, il arrive, il fait « Ok, on va dans l'Utah !» Genre, comment, les gars, s'il n'y a pas les rails, quoi. Il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que le train, il est bourré de gadgets et de machins qui n'ont aucune utilité, comme par exemple un marteau qui sort du plafond pour te cogner, pour ensuite te faire tomber sur un billard qui se retournerait sous la voie. Quel est l'intérêt de ce truc-là? Pourquoi il a designé? C'est pareil, il y a le ressort dehors qui te fait aller directement sur le siège à l'intérieur. Mais ça, c'est hyper chaud, t'imagines, il faut connaître le poids de Will Smith. Et puis c'est au millimètre près, hein. Attends, c'était bien calculé. Ça dépend sans doute de la vitesse du train, enfin tu vois. Je crois que les gars qui ont installé ça, c'était des incas, en fait. Mais moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que je comprends pas comment le billard peut se retourner sous le train à chaque fois sans faire tomber les boules de billard. C'est vrai. Elles sont très spéciales. Surtout que les boules de billard, franchement, t'as pas trop envie de jouer au billard avec, parce que tu te tapes dedans, la moitié c'est des bombes. Faut pas taper sur le chiffre. Genre le gars il fait bon, un billard, il sait pas, t'sais, il casse, bah. Donc là, les deux Gugus, ils commencent un petit peu à se parler, surtout au niveau des Robert. Hein. En français, ils disent Robert, hein, pour les fans. Ils disent Robert tout le temps. Hein. Ah oui, la fameuse scène. Très, très fin, hein, au niveau de l'humour, il faut le souligner quand même, parce que les femmes sont vraiment mises en valeur dans ce film. Elles sont putes. Ouais. Ou putes, en fait. Elles ont des vrais rôles. Alors déjà... En même temps, dans les westerns, pour faire un petit historique du cinéma, dans les westerns, en général, les personnages féminins sont des prostituées. Alors là, à cette époque-là, on est en 99. Il y a un truc, c'est que déjà, il y a quand même une sorte de perversion là-dessus, c'est que tu vois quand même les nibards tout le temps. C'est-à-dire, ils en parlent tout le temps, et surtout les décolletés, ils sont plongeantissimes, les seins sont énormes, elles ont énormes paires de nibards. J'étais très content de revoir Salma Hayek dans un rôle intéressant. Salma Hayek qui fait 1m10 en fait. Ouais. Elle est vraiment toute petite. Non, c'est Will Smith qui fait 2m30. Parce qu'elle est même plus petite que le méchant, le cul-de-jatte à vapeur. Il y a un truc aussi qui m'a fait marrer, c'est que... Alors, il y a une théorie qui est donnée dans le film, qui est fausse, donc n'essayez pas de faire ça chez vous. Mais le truc de... Quand tu meurs, une photo s'imprime sur ta rétine. Et du coup, après, il suffit de passer un rayon de lumière dans ton œil, et hop, ça s'affiche sur un rétroprojecteur. Et pour la rendre nette, il faut rajouter une petite paire de lunettes. La paire de lunettes du gars. Moi, déjà, ce qui me fait marrer, c'est que bah ouais, tu pouvais juste prendre l'œil pour que tu gardes la tête entière. Non, parce que c'est plus facile pour mettre l'ampoule à l'intérieur. Ouais. Mais non, mais moi j'ai la tête de papier à la maison. Je veux dire, on se fait les projections en famille. Mais temps, hein. Les films de famille. C'est une image fait des escaliers. Ce qui est surtout génial, c'est le plafond de la maison de retraite. La dernière image qu'il a, c'est un homme. Il y a un papier dans sa poche et la lisibilité du papier est totale. On le voit à 100%. Et en plus, quelle chance, parce que le papier, bon, bah, il est dans la poche du gars, donc on peut juste lire le début, mais c'est écrit comme il faut, hein. Utah. C'est vraiment écrit l'endroit où ils vont, quoi. Enfin, ceci dit, moi j'ai connu une personne qui posait juste ses mains sur sur une tête et puis qui voyait des images. Donc c'était Lucie. Ouais. Et Kate Blanchett aussi. C'est vrai. Mais ils n'ont pas la drogue bleue dans ce film. Donc ensuite, t'as la scène de fête. Alors là, la grande fête, ça c'est très important pour rencontrer le méchant. En fait, le méchant est très riche et très puissant et il est courtois. C'est-à-dire que s'il y a des convives, il va pas te tuer. Mais par contre, tout le reste du film, il va essayer de te flinguer. Et moi, j'ai vraiment une question que je me pose sur ce méchant, c'est-à-dire qu'il énumère toutes les parties de son corps et tous les organes qu'il a perdus, et moi, je ne comprends pas comment cette personne est en vie, en fait. Il dit qu'il n'a plus d'intestin, plus de vessie, plus rien, donc en fait, il reste juste la moitié du haut de son corps, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'aimerais juste préciser que vous, il ne doit certainement pas avoir de couilles, alors pourquoi il s'efforce à avoir des putes partout? Non, en plus, il y a un truc qui doit être super gênant avec ce gars, c'est que dès qu'il va quelque part, ça pue la fumée, quoi. Tu vois, il est là avec son fauteuil, ça fait pshh, pshh. Il va tranquillement dans la salle et dit, bon bah putain l'autre il est encore tout enfumé, putain. Les gonzesses elles ont des espérances de vie de 3 semaines avec le tabagisme passif. En plus il fume, tu vois, c'est... En plus de respirer ça va plus, il fume quoi. Oh voilà. Putain, ouvrez les fenêtres. Bon, en tout cas il fait un peu flipper, hein. Oui. Moi j'aime bien, c'est le méchant, il arrive, donc il connaît Will Smith. Ah, Monsieur West. Et... En même temps, c'est le seul noir de tout le film. Hein, donc, ouais, c'est le seul noir des États-Unis, donc il le connaît. Et exactement comme dans, ça m'a fait penser, parce que c'est le même truc, tu vois. Il y avait ça dans Time Cop aussi. C'est le on se parle. Je sais que c'est toi qui va me faire chier dans le film. Moi aussi, je sais que c'est toi. Et du coup, tu sais, il y a un peu un truc. C'est ça, ouais. Je pourrais te tuer maintenant, mais moi, je vais pas le faire. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, dans 90% des cas, dans ce film, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer, c'est parce qu'il a prévenu l'autre qu'il allait le tuer. C'est-à-dire qu'il a dit, attention, je vais te tuer. Eh non, moi d'abord. Bah oui, forcément, si tu le préviens, tu vois. Donc, dans 90%, c'est ça, quoi. Et donc le méchant il fait ça très très vite quoi. Moi en fait quand j'ai vu Will Smith, donc ce grand black à côté du mec en fauteuil roulant, j'ai cru que c'était intouchable. Après il y a une scène qui m'a fait marrer. Après il va dans le bureau du méchant. Ah, c'est la meilleure. Il en profite scène. Parce qu'il faut qu'il regarde les papiers. Ouais. Et donc là il y a une chinoise qui vient, donc là on voit le cul de la noix, enfin on voit tout quoi. Et là, il y a des tableaux peints, des superbes scènes de guerre avec c'est des mecs dedans, et en fait c'était des chasse, vrais mecs. C'est une scène de chasse. Ah, c'est hyper dur de rester statique comme ça. Hein. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'ils sont là, les 700 mecs? 700 ans. Il y en a un qui me prend quand même. C'est hyper bien fait, moi, je trouve. Ah, c'est bien fait. Non, par contre, c'était super foutu. Hein, mais ça, pour le coup, je crois. Ça s'est déjà fait. Je suis obligé de vous dire, mais je crois que ça s'est déjà fait dans. Dans Harry Potter, non? Où il y avait des trucs très avec similaires. Les tableaux qui bougent. Dans les Mystères de l'Ouest. Non, mais en fait, dans les Mystères de l'Ouest, il y avait un peu de trucs surnaturels et des choses comme ça. Et ça m'étonnerait pas que. Enfin, c'est exactement le genre de truc que tu pourrais voir dans les Mystères de l'Ouest. Là, clairement, c'est que des souvenirs d'enfance, et ça se trouve, je suis en train de dire des énormes conneries. Bah, Antoine d'ailleurs, est déjà en train de pleurer. Petite anecdote sur les Mystères de l'Ouest. Vous savez qu'ils ont proposé à la star des Mystères de l'Ouest, Monsieur Conrad, de faire une apparition dans ce film, et qu'il a juste tout simplement genre refusé en disant que c'était de la grosse merde, et qu'il voulait absolument pas, qu'il avait honte de ce scénario et de ce film. C'est vrai, je pense qu'il s'en est mordu les doigts après, non? Non, surtout pas. Ah, et il est surtout allé chercher les Razzie Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est les Razzie Awards? C'est les prix des plus mauvais films. Ouais, et Wild Wild West, je vous le donne en mille, on a eu 5 en fait. Oh, non, alors là, plus non. Mauvais film, plus mauvais réal, plus mauvais couple à l'écran. Pire scénario et pire chanson. Il a tout eu en fait. Je suis pas d'accord pour la chanson. Ouais, chanson, je suis pas d'accord. Chanson, elle est bien parce qu'on se l'est fait infuser pendant qu'on était môme. Ouais, je la trouve cool. En plus, elle apparaît pas, elle est pas omniprésente. Tu l'entends pas toutes les deux minutes, tu l'entends à la fin. Bon, ça va, elle est cool. Alors après, il y a un truc qui va aller assez vite. Alors non, déjà, il va libérer Salma Hayek qui est emprisonnée dans une cage, dans une salle de baise complètement tordue de sadomaso. Ouais. Je comprends pas du tout quoi. Oui, je comprends pas trop. Ouais. Bah, le mec il cul-jatte en plus. Enfin bon, bref, on va pas essayer même pas d'imaginer ce que ça pourrait être. Et donc là, il sort une fraise de dentiste de sa poche, il branche à sa godasse et il coupe le cadenas. Ouais, ça fait partie de la tirade des. De l'inspecteur Gadget quoi. Ouais. Attends, mais je vais refaire ton émail dentaire. Et après, il y a tout un truc. Donc là, je sais pas, moi j'ai pas grand chose à dire à part que c'est nul, mais le truc de on va pendre Will Smith parce qu'il a touché une. Enfin. Oh, moi j'ai juste à dire que c'est un gros discours raciste et très misogyne. C'est. Voilà, c'est assez vulgaire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Oui, il fait un discours en plus, ouais. Oui, c'est vrai. Oh, le discours, putain. Non, on va pas en parler, hein. Non, on parle pas. Ouais. Y a le. Donc après, là, on arrive sur la scène du massacre. Oh, oui. Ouais, ils sont arrivés trop tard. Non, là, il faut expliquer quand même cette scène du massacre. Donc, il y a une espèce de char un peu chelou qui sort de l'eau et qui se met à tourner un peu à 360 et à fusiller tous les gens autour. Ouais. Et donc, qui sont les hommes du général machin là, qui a. Le général oreille gauche, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Et par contre, ils tombent tous, genre vraiment très symétriquement, genre ils meurent tous. Ouais, il faut une rosace. Ouais, voilà. Il faut une rosace. Surtout qu'en plus, genre, le temps qu'il a, ça, à part tourner, tu vois, les fusils, ils braquent à une certaine hauteur, bah, suffit de te baisser, quoi. Enfin, je vois pas comment tu pourrais. Bon. Tout le monde meurt. Et en gros, donc ils expliquent, voilà, il est dans l'Utah, donc il faut aller dans l'Utah. À ce moment-là, ils font OK, bah maintenant on part dans l'Utah. Et le chauffeur du train, OK, c'est parti. Et là, après, il y a une poursuite avec le train du méchant. Ah bon? Ouais. Ah ouais, non, ah oui. Vrai, gueule. Tu te fous de notre gueule, quand même. C'est la moitié du film, film, tu sais. C'est vrai que Greg n'a toujours pas vu Time Cop. Non, mais je confondais avec autre chose. Bah, vas-y, bah, raconte cette scène-là, parce que moi, je te crois pas, en fait. J'ai peur que tu l'aies pas vu, quoi. Mais si, je l'ai vu, mais bon, c'est chiant. Non, pourquoi tu me testes comme ça? Faut savoir, quand même, dans le studio, que Greg est à part, en fait. Il est sur un canapé en train de boire de la bière. Will Smith il monte sur le train blindé et là j'ai rien noté en fait. Bah, pour ta défense c'est parce qu'il y avait vraiment rien à dire quoi. Non en fait regarde, je te dis, j'ai marqué Will Smith monte sur le train blindé, il y a une baston et après ils ont le collier et sont bloqués. Voilà, je suis passé de l'un à l'autre en fait. Ok, bon bah ils se font capturer. Moi je sais pas, vous avez des choses à dire sur cette superbe scène avec le tank qui machin. Pourquoi c'est moi qu'on essaie de serrer alors là-dessus. Donc là ils se font capturer et il y a cette fameuse truc avec les cercles métalliques là, c'est comme ouais. Voilà. Aux animaux. Comme au début, c'est comme la première scène. J'ai une petite question, donc je comprends pas géographiquement comment c'est possible ce film parce qu'on est genre dans le désert, après on est dans des champs de maïs et à la fin on se retrouve dans des verts pâturages en passant par le Grand Canyon. Hein, donc il y a un vrai problème, les États-Unis pour moi c'est plus ce que c'était. Hein, surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette espèce de collier là. C'est pour éviter qu'il se gratte en fait. C'est vraiment ce qu'on met au chien. De Clébard, ouais. Il est métallique. Et surtout, bah, comment tu l'installes? Parce qu'en fait, moins de le souder sur toi. Non, mais en plus, économiquement, je sais pas pourquoi il fait ça. Parce que pour les buter, il a qu'à les buter. S'il les butait d'un coup de pistolet, c'était bon. Mais là, il va leur mettre un collier avec un système pour que s'ils sortent de l'enclos, il y a le frisbee de la mort qui commence à les poursuivre. C'est quoi l'intérêt, tu vois? Alors que lui, il s'est barré. Il peut même pas vérifier s'ils sont vraiment morts. C'est le jeu. T'as regardé le compte de résultats du coup d'entreprise Non, mais le frisbee de la mort en plus, c'est franchement c'est un peu dans malade. Sans déconner. Le Q-Chat, il est méta riche quoi. Je pense qu'il est milliardaire. Il s'aperçoit qu'il a fait une ville après. Il a carrément. Il a construit. Il a mis des gens dedans. Il le dit à un moment, il dit j'ai dépensé sans compter. Et donc ça fait un peu une scène à la Laurel et Hardy, une fois que le frisbee de la mort se sont entrechoqués, tu sais, ils inversent la polarité, ils sont collés comme ça. C'est vrai que ça fait Laurel et Hardy. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que là ils arrivent, donc ils arrivent enfin à les rejoindre, et là ils constatent qu'il y a une ville immense et tout ça, et surtout ils constatent qu'il y a une araignée géante. Elle sort de terre comme ça, vraiment très... Ça choque quelqu'un qu'il y ait une araignée géante, ça paraît bizarre, non? 80 mètres. Alors, non, elle est complexe, mais moi j'ai une petite anecdote sur cette araignée géante. Alors, est-ce que vous saviez que c'était une idée du producteur John Peters qui devait être utilisée pour un autre film? Et cet autre film, je vous le donne en mille, c'était Superman Lives. Un film de Tim Burton avec Nicolas Cage qui n'est jamais sorti, mais ça devait être un Superman. C'est peut-être pas plus mal, ouais. Et donc je pense qu'ils l'avaient construit, et ça leur coûtait beaucoup trop cher et ils l'auraient utilisé pour Wild Wild West, quoi. Mais ils ont construit quoi? L'araignée géante. Mais ils n'ont pas construit de l'araignée géante. Là. Alors, très sérieusement, honnêtement, les images de synthèse, enfin tous les trucs avec l'araignée, nul à chier. Je les trouve hyper bien. Même les sons de câbles tendus et tout, je l'ai pas mal. Mais ce film a vraiment été sponsorisé par les fonds verts, quoi. C'est pas possible. Ça a été tourné complètement sur un fond vert. C'est trop nul. T'as vu quand ils marchent dans le désert? Ouais. Qu'est-ce que ça leur coûte? Tu sais, le budget du film, il doit tout exploser. Et les mecs, ils marchent dans le désert, je sais pas où là. Ouais. Et il y a un fond vert avec les trucs, mais ça se découpe, quoi. C'est trop mal fait. Ouais. Ça coûtait pas plus cher de les foutre dans le désert. Ah si, ça coûtait un peu. Tu sais, un fond vert, c'est trop tôt. Mais ça, dans le compte de résultat. On peut économiser, hein. Moi, j'ai vu il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, alors, il y a une très belle image dans ce film, c'est qu'à un moment, ils voient une énorme tarentule quand ils sont en train de pique-niquer. Or déjà, au lieu de la tuer ou de flipper, bon, il la regarde et il se marre, quoi. Et là, il y a une guêpe qui arrive, qui se pose dessus, et elle la tue, et voilà. Et du coup, quand ils voient cette araignée géante, ils se disent, bon, la seule façon de détruire cette araignée, ça va être d'inventer l'aviation. Puisque ça n'existe pas. Et il va se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour recréer ça, quoi? Et du coup, le mec invente l'aviation. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas mal, il dit quand même que c'est Léonard de Vinci. Voilà, en s'inspirant de Vinci. Sachant que de toute façon, Will Smith, comment il va monter dessus? En l'escaladant. Donc, de toute façon, ça n'avait pas d'intérêt. En l'escaladant et en tombant, en faisant une chute de 30 mètres, encore une fois. Mais il n'était pas à poil. Ce qui est marrant, c'est que quand le mec invente l'avion, il venait, bon, allez, on va le tester. Donc, ils l'ont jamais testé. Mais plutôt que de le tester tout seul, on sait jamais si ça marche pas, il monte direct à deux dessus, comme ça. Il meurt tous les deux, tu sais, tu vois. Genre, il se laisse aucune chance. Bon, allez, le tout pour le tout, quoi. Surtout, tu sais, il essaye deux secondes dans la plaine, on n'a pas assez de vitesse, tu fais. Bon, ben, on va essayer de puer le ravin. C'est-à-dire, bon, ben, on va vraiment prendre tous les risques. Donc là, c'est la méga scène finale. Attends, c'est ça. Moi, c'est le début de la scène finale. Moi, j'ai deux trucs. Parce que, alors, déjà, on entend, parce que là, ils partent. Et on entend, et c'est la seule fois du film où on va entendre le thème des Mystères de l'Ouest. Ouais. Donc la vraie chanson, celle qu'on attend. Bon, ça va parce que celle qu'ils ont réécrite, je la trouve très bien aussi. Ouais, mais... accéléré, j'ai pas reconnu du coup. Et là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Mais c'est l'inauguration. Ah, donc il y a le président qui va aller casser planter le premier clou sur une voie. Et alors cette scène est un hommage à tous les niveaux à Jurassic Park. C'est-à-dire ça vibre, le clou, il s'en va. Et surtout, il y a ce truc-là de, genre, d'un seul coup, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il se retourne, on est dans le désert, tu vois, 250 km, c'est-à-dire que tu n'as rien. Il se retourne, il y a une araignée géante de 80 mètres qui est à 30 mètres 2, quoi. Et là, ils font, wow, putain, une araignée géante! Personne ne l'a vu arriver, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'après, ça fait vraiment président versus araignée géante. Tout le monde s'est barré, personne ne pense à protéger le président ou quoi, du coup, il reste tout seul face à l'araignée géante. Bon, pas de chance, hein. Et donc, c'est le début de la scène finale. Je suis désolé. Oui, c'est le début de la scène finale. Cette scène finale, ils se font capturer. Et là, on est dans la base du méchant. Et là, le méchant. Il fait sa conférence. Il fait un one man show, quoi. Alors, moi, ce qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est qu'en fait, on comprend son projet final. Et son projet final, c'est de désunir les États-Unis. Mais c'est nul comme projet final. C'est-à-dire que tu veux être maître du monde, enfin je sais pas, mais tu te désunis pas les États-Unis, tu dis pas, bah tiens, cette partie-là va être espagnole, cette partie-là française. Et surtout que comment y arriver? Bah, est-ce qu'on peut faire la guerre avec son araignée géante? Bah non, il faut que le président signe un papier. C'est dommage, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Will Smith, il aurait pu probablement conquérir le monde entier avec son araignée géante, parce qu'il est tellement balèze que tu vois, il pourrait tout faire. Mais surtout, il pourrait imiter la signature du président, quoi. Ça irait beaucoup plus vite. Et donc là, il y a Will Smith qui arrive. Il faut dire où est-ce qu'il est avant. C'est-à-dire que Will Smith tombe de l'araignée géante de 30 mètres. L'araignée géante, elle doit parcourir à peu près 100 km pour retourner dans la base. Will Smith a disparu. On se demande même comment il va faire pour y retourner sans véhicule. Et là, Julie, comment Will Smith apparaît-il dans cette scène? Déguisé en danseuse du ventre. Non, et là, Janet Jackson. Et on entend une musique orientale. Elle sort d'où? Bah, ça, c'est vraiment. Du fauteuil du gars, non? Mais... La boombox de Will Smith. l'oreille du général. Alors, en fait, il est ventriloque. Ce que je trouve fou, c'est que c'est le seul noir du film et personne ne se doute que c'est lui. Mais c'est surtout qu'en plus. Au lieu de parler, il fait. Il le prend trop pour un con, quoi. Ouais, moi j'ai pas trop regardé là parce que c'était chiant. Il y a des flammes qui sortent et tout. Il y a un lance-flammes. Il y a la totale. Il y a un hommage au. Il y a un robot geisha avec des flammes qui sortent de ses seins. Là, c'est la scène de destruction de la ville. Et genre la scène où on en a pour son argent, en fait, où tout va exploser. Ah ouais, là ça va péter. Hein. Mais donc, Will Smith, après, il se cartonne, il va se battre contre, à la suite, Terminator. Non, d'abord avec Frankenstein. Avec Ninja sans les mains. Ninja sans les mains, d'ailleurs. Edouard Romain d'Argent, il se bat avec lui. Ils sont tous déguisés en ouvriers du bâtiment fatigués. Ouais. Les gars n'ont pas de vie. Donc, le gars avec les couteaux, plus après, Terminator. C'est Frankenstein, Robocop. Déguisé en minier, quoi. Et après, il se bat contre Lovelace. Un des méchants les plus faciles quand même parce que c'est un handicapé qui ne va pas marcher. Dit, moi ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que là d'un seul coup, il y a des espèces de quatre pieds en fait qui met en marche. Et pourquoi il a pas tout le temps ses quatre pieds plutôt que de travailler en fauteuil à vapeur, quoi. Ça a l'air 100 fois mieux. Donc ça fait beaucoup moins de fumée. Il y a un truc. Moi j'ai pas compris pourquoi le Terminator il meurt sans raison. Mais attends, je pensais que je voulais pas le dire parce qu'on allait dire t'as regardé l'accéléré. J'ai pas compris parce qu'il lui donne une clé et le gars il tombe. Pourquoi? Non, c'était un piège. Alors, t'as rien en accéléré. C'est pas d'accord. Mais non, pas du tout. Mais en plus, au moment où Will Smith lui tend la clé, on a l'impression que tu sais, il a un truc c'est genre, quoi, c'est parfait, je vais pouvoir m'accrocher, il va tomber ou tatata. C'est-à-dire, il a prévu un plan. Et en fait, il donne la clé et le robot, il est là, ah, il bug et il tombe. Genre, il meurt sans raison. C'est assez bizarre. Ouais. Mmh. Tu l'as pas vu non plus, toi. Je suis le seul à avoir vu ce putain de film ou quoi? Bah non, t'as vu, même moi à l'accéléré, je l'ai vu ça. Après ça, il y a énorme baston sur fond vert et ouais. Et voilà. Et fin. Ah, moi, j'ai une petite anecdote. Hein, ah, tu Julie, as dit ouais. La mienne, elle est pas mal. Hein. Alors, loveless, en fait, en anglais, ça veut dire sans amour. Mais non, mais en plus, je trouve ça vraiment con d'avoir appelé le méchant loveless. Tu vois. Je crois que c'est un hommage à Linda Lovelace. Tu penses? Non, c'est écrit pas pareil, je pense. Mais c'est écrit pas pareil, en plus. Ah bon, d'accord. Mais ça, c'est ça, il a joué dans Gorge Profonde. Par contre, moi, j'ai une petite anecdote bien croustillante sur cette fin de film. Est-ce que vous saviez que Will Smith avait refusé le rôle de Neo dans Matrix pour faire Wild Wild West? Non, c'est vrai. Ouais, ouais, oui, c'est, bah, premièrement, c'est vrai. Et deuxièmement, il a dit que c'était le pire choix de sa carrière. Donc, Bah, je pense qu'il a raison pour le coup. Parce mais moi, nous, on est sauvés, quoi, qu'il l'ait refusé le rôle. Oui, de ah ouais, parce qu'il aurait relativement mal fait, quoi. Donc, j'ai complètement oublié, mais j'avais un petit extrait audio. Ah, quand même, je me disais. On va juste le mettre maintenant. Ouais. Alors, c'est avec plaisir. Alors, c'est pas très drôle. En gros, alors, c'est une scène qui est en. Et je vous invite à la regarder en anglais. Les anglophiles. Parce qu'en anglais, je l'ai trouvé très marrante. En français, elle est nul, mais bon. On va quand même l'écouter. Hein. Non, en gros, ce que j'ai introduit pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que c'est la présentation entre Will Smith et le méchant, donc ils se parlent. Et en gros, elle est politiquement incorrecte parce que Will Smith ne va faire que des blagues sur le fait qu'il est cul-de-jatte et le méchant va faire que des blagues sur le fait que Will Smith est noir. Et en VO, c'est très drôle. En, ouais, en mais VO, c'est très mal. Votre présence parmi nous ajoute une certaine couleur à cette fête monochromatique. Lorsqu'un ami revient d'entre les morts, je me dresse comme un seul homme pour l'honorer. Mademoiselle Est m'a informé que vous espériez voir le général McGrath parmi nous. Je l'ai bien connu il y a longtemps, mais je n'ai pas vu cet homme depuis la lune noire. Bien sûr, oui. Le plus difficile pour un homme de votre stature, c'est de préserver la moitié de vos connaissances. Mais la charmante Mademoiselle Est vous empêchera de devenir l'esclave de votre désappointement. Et il faut se méfier des belles femmes qui vous donnent de faux espoirs et vous coupent les jambes dans la foulée. Il y a un mec dans les parages qui m'a promis des coups de poing. Un type brun foncé, drôle de barbe, un peu ton genre, tu le connais pas? C'est Loveless, quand on prend un peu de hauteur, il y a des circonstances où rien ne vaut une bonne vieille paire de cannes. Monsieur West, vous qui êtes encore plus noir que la nuit extérieurement, intérieurement, vous êtes vert. Pourquoi vert? Je me souviens plus. Vert de peur. Vert de peur. Ah oui, vert de peur. Je fais exprès de couper avant parce que je trouve ça marrant. Non, après, attends, il faut quand même le dire, le meilleur moment du film, c'est quand le générique arrive et qu'on a enfin le Wild Wild West, quoi. Ah, oui, c'est vrai. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Wow, tu veux dire que le meilleur moment c'est quand c'est fini en fait? Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film encore une fois. T'as vraiment aimé ce film, Greg? Ouais. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. D'accord, on va peut-être revoir ton avis dans cette émission. Non, moi très honnêtement, c'est marrant parce que je me souviens que j'étais sorti de là, j'avais vraiment kiffé quand j'étais gosse. Ouais. Je l'ai jamais revu parce que moi j'ai pas eu la cassette. Et en vrai, c'était une purge. Vraiment, j'ai trouvé à la fin, putain, mais il se passe n'importe quoi, ça s'arrête jamais. Je trouvais ça très long et très fond vert, comme vous. Ouais. Tu l'as aimé cette petite fin où on a l'impression qu'ils partagent vol, mais ils sont sur une araignée géante? Non, mais en plus, ce qui est con, c'est qu'il y a plein de bonnes idées. Enfin, franchement, il y avait tout pour faire un putain de film, c'est quoi. C'est une super idée, l'araignée géante, quoi. Donc, moi, je trouve ça génial. Enfin, le problème de Greg, c'est ça. Voilà, Greg, il a pas vu le film maintenant, j'en suis sûr. C'est faux. En fait, c'est un peu le prince de Bel-Air au Far West, quoi. Ouais, un peu. Un peu, hein. Ouais, c'est un peu l'arme fatale aussi. Enfin, ouais. D'ailleurs, c'était Mel Gibson et Richard Donner normalement qui devaient être sur ce film. Enfin, Mel Gibson dans la place de Will Smith et Richard Donner à la place de Sonnenfeld. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et après, ils ont fait Maverick à la place. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir la version avec François Cluzet et Omar Sy. Donc ça, c'était... Enfin, vous avez un autre avis que ça sur le film? Non, moi, j'ai pas d'autre avis. Non. Donc c'était notre avis sur le film. C'est maintenant l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, je vais voir les commentaires sur ce film. Il n'y en a pas énormément, hein, des commentaires 5 étoiles. Hein. C'est étonnant. Bon, ouais, c'est étonnant, ouais. S'il y a Greg qui a dû en laisser un, je pense. Je pense qu'il va tomber derrière. Alors, on a un visiteur, j'ai pas son nom, qui nous dit l'ambiance, les acteurs, l'histoire, la bande-son, toutes ces raisons pour lesquelles j'inscris une 5e étoile à ce mystère de l'Ouest des temps modernes. Will Smith y est à son aise dans son rôle habituel, son à savoir rôle habituel, à savoir les cowboys. C'est son premier western. À savoir le flic au sourire sorti droit de la banlieue de Philadelphie. Séducteur, rusé, fine gâchette. Par-dessus le marché, on lui propose en rival un Jules Verne version hockey chorale sublime. Le résultat donne un mix de science-fiction sur fond de western avec action humour à la clé. Sur fond vert, ouais. Mention spéciale à l'araignée métallique. Quelle bonne trouvaille. J'en ai rêvé pendant une semaine. Ça, c'est Greg. Je pensais que c'était vrai. Sinon, on a Alex Jazz Killer dans un tout autre registre. Attends, on l'a pas vu, ce mec-là. Alex Jazz Killer, ça me dit vraiment quelque chose. Ça me dit rien, moi. Ouais. En tout cas, il nous dit « Ce film, il pète trop. Action, humour, franchement bien. » C'est tout ? C'est tout, ouais, c'est son commentaire. Sinon, on a Depp Johnny, alors je pense pas que ce soit le vrai, qui dit Wild Wild West est LE film d'aventure à voir dans sa vie. Premièrement, parce que c'est hilarant. Deuxièmement, l'histoire est géniale. Troisièmement, Kevin Klein est plus que craquant. Et bien sûr, Will Smith. Un casting prodigieux, de l'action, histoire entraînante, musique à la Indiana Jones, et c'est parti. Et enfin, on a Mars Jajan, qui nous dit... Alors, que dire ? Je lui mets 5 étoiles, car ce film est bon. Mais je ne peux lui mettre en dessous. Par contre, il n'a rien à voir avec la série Wild Wild West. Il dit, à part les noms des personnages, tout le reste est complètement opposé à la série. Donc, je ne le juge que pour le film, sans tenir compte de la série. Sinon, il n'aurait probablement que 2 ou 3 étoiles. Mais vu que je suis fan de Will Smith, je peux pas faire ça. Lui-même est génial. Will Smith, toujours aussi bon, humour, action, truc de fou. Bref, le film est génial. Si on ne le compare pas à la série. Donc c'était notre avis et celui des autres sur Wild Wild West. Des commentaires, des réactions, toujours notre Twitter. Personne ne l'utilise pour l'instant, mais c'est pas grave. Michael, t'avais quelqu'un à remercier, il me semble que t'avais. Ah oui, monsieur Lelouch Gilles qui nous a laissé un petit commentaire sur le Twitter. On va le remercier. J'espère qu'il a écouté. Hein, quand même. J'espère qu'il écoutera ça. On le remercie. On le remercie. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Ok, ça tourne. Le Far West, une araignée géante, un cul-de-jatte à vapeur. Je vais pas rire, Michael. Non, mais regarde-toi. Vas-y, c'est parti. Regarde-toi. Vas-y, vas-y. Attends. En fait, c'est Michael qui est hors de rire. Ça m'empêche de me concentrer. Allez, c'est parti. Le Far West, une araignée géante. Oh non, mais les gars! Bon, déjà, je vais couper Michael. Vas-y, c'est parti. Moi, c'est bon, je rigolerai plus là. Le Far West, une araignée géante, un cul-de-jatte à vapeur. Cette semaine, on a maté Wild Wild West et on en parle tout de suite.